Chapitre 6e, Léon X. Je l'ai dit plus haut, son époque vint en aide à Raphaël. On ne pouvait rien refuser à l'art, et le peintre le savait si bien qu'il n'hésita pas à l'implorer en faveur de sa passion, associée au triomphe de son pinceau, la protection du souverain pontife. Raphaël avait ses entrées libres au palais de Léon X. Les artistes comme lui n'avaient pas de temps à perdre, à solliciter et à attendre des audiences. Ce grand pape l'avait compris, et le peintre pouvait à toute heure porter ses désirs, ses doléances, ses projets au pied de son trône. Raphaël n'en usait guère que pour venir réclamer une protection qui ne lui fut jamais refusée. Quand donc il ne vit plus d'autres ressources, il courut au palais pontifical, et se jetant aux genoux de Léon de Médicis, d'une voix émue, « Saint-Père, lui dit Raphaël, le jour où les peintres de votre sainteté ne sont plus amoureux, l'art disparaîtra. » Encouragé par le regard paternel de Léon X, qui n'aimait pas l'air de rejeter la théorie de son peintre bien-aimé, Raphaël fit au pape la grande confidence de ses amours à peine éclos au souffle de son imagination, et il raconta avec vivacité ses débats avec Gaffarelli, les refus de celui-ci, les prétentions malencontreuses de Mamaluccia, et tout le tort que l'art recevrait, l'impossibilité où il était de terminer son œuvre, si Stella ne venait pas, avec sa miraculeuse beauté, introduire la lumière de ses yeux dans l'atelier du peintre. Pourrait-on lui ravir cette étoile inattendue qui s'était tout d'un coup allumée à ce ciel où tant d'autres astres s'étaient éteints? Stella, c'est l'étoile divine qui doit me guider dans ma nuit avec sa chevelure d'or. Mais, ajouta Raphaël, mais, Saint-Père, Saintissimo Padre, les blondes sont rares dans vos états, qui le sait mieux que moi, et il me fallait une blonde. Où n'ai-je pas cherché la jeune fille blonde dont j'avais besoin pour mon triomphe de Galatée? Galatée brune, c'était la profanation de l'art, c'était m'exposer aux risées de mes ribauds et causer un chagrin mortel à mes disciples. Votre sainteté qui sait tout, qui nous protège, qui nous a ouvert le ciel des anciens en même temps qu'elle a la clé du ciel des chrétiens, votre sainteté qui est l'orgueil de l'Italie et de son siècle, parce qu'elle veut que le chef-d'œuvre nouveau naisse d'un geste de sa main, d'un sourire de sa bouche, votre sainteté n'ignore pas qu'il nous faut des modèles. Pour que le pinceau ne faiblisse pas dans nos mains et l'inspiration dans nos têtes, eh bien, Gaffarelli n'est pas de l'avis de votre sainteté. Quel est ce Gaffarelli? Demanda Léon X. C'est un boulanger, un fornaro de la rue des marchands de Chapelet. Oh, ce Gaffarelli me fera mourir. Je cherchais donc une blonde, ou ne l'avais-je pas cherchée? Quel lieu de la ville, quel lieu de l'agro romano n'avais-je pas fouillé? Toujours en quête, j'étais épuisé de course, et je désespérais de voir le hasard venir à mon aide. À mon œuvre, depuis longtemps rêvée, à ce triomphe commencé, manquait la divinité principale. Car, pouvais-je, je le répète, donner des yeux noirs, une chevelure noire, le caractère d'une brune, à cette blonde Galatée, qui avait pour vêtement la lumière dorée du soleil palpitante sur son corps d'ivoire. Je ne pouvais pas la concevoir autrement. Donc, votre sainteté saura qu'un beau matin, au coin d'une boutique de boulanger, je fus forcé de pousser un cri d'admiration. J'avais rencontré ma Galatée, oui, c'était elle. C'était Stella, la fille du boulanger Gaffarelli, qui ne veut pas que son enfant serve de modèle parce que Galatée n'était pas assez vêtue. Ici, le peintre s'arrêta. Il attendait une parole du pape artiste. Mais cette parole ne vint pas. Léon X laissait son peintre favori dans sa fièvre d'anxiété. Celui-ci crut que le pape restait insensible à ses plaintes. Cependant, avant de désespérer, il voulut tenter un dernier et suprême effort. « Saint-Père, ajouta Raphaël avec feu, ce Gaffarelli est insensible. Je l'ai prié, je l'ai supplié, rien n'y fait. Je lui ai envoyé des ducs, des cardinaux, des moines, pour tenter de lui arracher son consentement. Il est inébranlable comme un roc. J'aurais pu mettre dans mes intérêts sa femme qui me sourit trop, mais cette femme, qui a une taille massive, se propose pour modèle, et votre sainteté comprend qu'elle n'est pas d'humeur à procurer à sa fille l'honneur qu'elle a rêvé pour elle. « Et la jeune fille, dit Léon X, que pense la jeune fille? Oh, la jeune fille se tait. Mais comme il parle bien pour elle, ses yeux qui se baissent déconcertés devant le regard irrité du père, et m'envoie à la dérobée une muette approbation, je suis sûr de la jeune fille. Alors tout peut s'arranger. Saint-Père, cette bonne parole me rend la vie, je sens que sans vous j'allais mourir. » « Je vais, mon fils, ajouta le pape, te remettre un ordre signé de ma main, pour que ce têtu Gaffarelli, laisse sa fille te servir de modèle, et quand ton œuvre sera finie, j'irai la voir avec toute ma cour. » À ces mots, Raphaël se prosterne, ivre de joie aux pieds du Saint-Père. Il les baise avec componction, puis, muni de l'ordre souverain, il court à la boutique de Caffarelli qui s'écrie en le voyant « Seigneur peintre, je croyais être délivré de vos obsessions. Vous n'obtiendrez pas ce que j'ai refusé à tant d'éminences, à l'éminence Astracano, à l'éminence Colonna, à l'éminence Urbino, au duc de Capriola, au duc de Frescovante, à tous les moines gris, noirs, blancs, qui feraient mieux de réciter leur chapelet que d'aller voir les tableaux païens. Plus qu'un mot, retirez-vous. Je suis le maître de Stella. » Aux éclats de la voix irritée de Caffarelli, sa femme et sa fille accoururent tremblantes dans la boutique et s'arrêtèrent à la vue de Raphaël, qui, calme et souriant, dit à Caffarelli « Dans une heure, votre fille sera dans mon atelier. » « Ma fille, je vous aurais tuée auparavant !» s'écria l'impétueux Fornaro. « Est-ce que vous êtes de taille à lutter avec moi ?»« Seigneur peintre, ma fille dans une heure chez vous ? Oh, perdio, cela est impossible. Voyons, cessons enfin tout cela, et maudit soit le jour où vous avez vu Stella. » « Je vous dis, seigneur Fornaro, que je vais emmener votre fille, pourvu qu'elle y consente. »« Mais cet homme est fou !» dit Caffarelli, qui allait se heurter à quelque extrémité fâcheuse, lorsque Raphaël tira un papier de sa poche et le mit sous le nez du boulanger. Caffarelli prit le papier, le lut, se frotta les yeux de surprise, passa de la colère à la stupéfaction, de la stupéfaction à la résignation, de la résignation à la componction. « Le Saint-Père ! » s'écria-t-il d'une voix troublée. « Il Santissimo Padre ! » Il tomba à genoux en couvrant de baisers le bref papal. Ce fut un coup de théâtre. La femme de Caffarelli s'agenouille, Stella la limite, et Caffarelli prie intérieurement, en baisant et en faisant baiser à Mama Lucia et à Stella la signature sacrée qui jetait dans ses yeux un subit éblouissement. Raphaël, debout, contemplait, les bras croisés, cette scène singulière. Caffarelli se relève, les yeux humides, regarde sa fille, regarde sa femme, regarde Raphaël, se tourne ému vers Stella et lui dit « Le Saint-Père a parlé. Bats-tu des habits en Galatée, puisque le pape le veut. »